Audiomatique. La transmission 024 d'Audiomatic est introduite par le projet canadien Splinter Cage, mené par Stephen Seto, de qui nous entendions la pièce Residual, tirée de son premier album intitulé Remote, paru en 2004. Comme à chaque semaine, vous êtes accompagné des électronistes qui vous proposent leurs suggestions musicales sélectionnées dans le registre de la musique électronique. En plus des mercredis de 18h à 19h, vous pouvez écouter l'émission les samedis entre 20h et 21h en rediffusion. Évidemment, vous avez également la possibilité d'écouter la totalité de nos émissions passées en balado-diffusion en vous rendant sur notre page Facebook à Audiomatic CFOU, où vous trouverez tous les liens nécessaires pour assouvir votre curiosité. Cette semaine, sur le campus de l'UQTR, une structure mystérieuse s'est érigée près de la radio C'est fou, structure que l'on nomme le Dôme. Et dans ce Dôme, depuis hier soir, on y présente des spectacles, ma foi, très intéressants. D'ailleurs, dans la prochaine séquence musicale, nous découvrirons certains de ces artistes qui font partie de la programmation de ce qu'on pourrait appeler le mini-festival Le Dôme. Débutons avec Millimétric qui sera en spectacle dans Le Dôme demain soir et nous vous donnons tous les détails au retour. told you, just log off, log the fuck off. Let's go. Susan Sempa, DJ Oompa Loompa, Loompa Oompa, Oompa Loompa. Peu importe combien ton temps, quand j'accède dans le Milson, complètement de Bilson, hot bundle sur le tundra. Log off! Log out! Log out! Log out! Ding dong, bonjour, le gros dégueulasse back. Shitting all over the track, I might just never come back. Finalement, je suis back, Collis, comme un rap artist. Guess what? I'm shitting all over the track. Don't wait for me to sound what that's nifty bullshit. Still eat that. Pop, cut, don't paste, bring it back. You can't. C'est gone. Get it off my head like the fucking dog. Sur le cookie, sur le cookie. Cookie, j'écoutais tout qui. Soupi, j'ai tout dit. Poops, keep out the blood. I'm singing in, singing out, lugging in. Logging out, singing in, singing out, logging in, logging out. Log out. Log out. Combat d'histoire qu'on dit long. Petit frère up off a sit wall. Play a bump to the trunk's law, hein? Jigga, beat, you fit, sit, wall, huh? Young Rasta, gone, clap up in a hush, dagger, fan, crack up, fast, put, sit, on, fan, grab up, sit, on, boom! Log out! Log out! Log out! Oh, my bobs in the international, a la clara, I gotta keep a tango. C'est leur l'info, lady, jingo, beat, burn, tabac with the beat, yo, longer des blocs, dance, longer fait de tout, bloc, tout à tiens, bien, tout connaît le show, tu fuck, pick it, back, Canada, ça va tout, go, comme bloc! Bob damn, call a body one shot. So I bring it to the limit. On a rabat, in a baby, in a labab. And nobody's on a babble. If I get big, I'm a stick it to the digital bar. Can a Jimmy get wild, get fly, get fake it to me. Sur le switch, it's up to 1838. A la claire.com, champagne, caviar, dans le brick. Log out. Log out. Log out. Log out. À Audiomatique, nous avions droit au duo montréalais Beat Market, formé de Louis-Joseph Clich et Maxime Bellavance. Nous entendions la pièce Aviator 2000, remixée par Mister Valère. Beat Market sont en spectacle ce soir dans le Dôme C'est Fou en compagnie de Artist of the Year. Précédemment à Beat Market, nous écoutions la formation de Québec à la Claire Ensemble et leur chanson Log Off avec Jam de leur album Tout est impossible. Vous avez peut-être pu assister hier soir dans le Dôme au spectacle de ce groupe qui se définit comme étant une troupe de post-rigodon bas canadienne. Et pour débuter la séquence, il s'agissait de nul autre que Millimétrique, le projet de Pascal Asselin, également originaire de la vieille capitale. Il nous présentait la pièce Adrien de son album Lonely Lights. Millimétrique sera en spectacle dans le Dôme demain soir en compagnie de Qualité Motel, projet parallèle des membres de Mister Valère. Donc, pour la programmation du Dôme de C'est Fou, disons qu'hier soir se sont produits sur la scène À la Claire Ensemble et Loud Larry Adjust. Ce soir, c'est au tour de Beat Market et Artist of the Year de prendre possession de l'espace. Et demain, on pourra assister au spectacle de Millimétrique et Qualité Motel. Les billets pour chaque soir sont en vente sur le site lepointdevente.com au coût de 7 $ pour les étudiants et 10 $ pour les non-étudiants. La billetterie ferme à 18 h chaque jour de spectacle. Les places, sont, vous l'aurez deviné, limitées. Donc, les billets restants seront en vente à la porte au coût de 10 $ pour les étudiants et 13 $ pour les non-étudiants. Maintenant, à Audiomatique, restons sur la scène musicale québécoise avec le projet trifluvien Biobazar. 89.1. Précédemment à la pause publicitaire, Audiomatic se poursuivait en musique avec le compositeur japonais Ryuichi Sakamoto et sa composition Iconic Storage parue sur l'album B2 Unit qui a été lancé en 1980. Ryuichi Sakamoto est bien sûr un des fondateurs de la formation culte Yellow Magic Orchestra qui a connu ses heures de gloire à la fin des années 70 et au début des années 80. En plus de sa carrière solo, il a également collaboré avec bon nombre d'artistes et a composé plusieurs bandes sonores de films. Tout juste avant, la formation londonienne New Young Pony Club assurait la continuité avec la chanson « Before the Light » de leur deuxième album « The Optimist ». Et en amorce de séquence, Bio Bazar, le projet du trifluvien Danny Janvier, nous présentait la pièce « Chronique akazique » de son plus récent album « Vitaphone ». Cessons ce verbiage et enchaînons en musique avec « End ». Ladies and gentlemen, you've heard about it, read about it, but have you ever seen a psychedelic circus? Those innocent fun games of the hallucination generation? Here you will meet the swingers, the hipsters, the beatniks, and the acid heads who live from pill party to pill party. Somebody, I want to make a nest. I've been on La formation canadienne Braids vient de contribuer brillamment à la progression sonore d'Audiomatic avec leur chanson « Happy When » de leur troisième et plus récent album intitulé « Deep in the Iris ». La formation qui précédait Braids était « The Hundred in the Hands » avec la pièce « Dead Ending » et pour débuter, on avait droit à la pièce « Pills to Make You Fun » de ce projet énigmatique qu'est End. Et parlant de la fin, nous y approchons, mais avant de l'atteindre complètement, nous devons de vous remercier d'avoir partagé cette heure musicale en notre compagnie et nous vous rappelons que nous sommes en rediffusion les samedis à 20h et que toutes nos anciennes émissions sont disponibles en balado-diffusion sur notre page Facebook à Audiomatic CFOU. Pour clore cette transmission 024 d'Audiomatic, nous vous proposons d'entendre Fever Ray, le projet de la chanteuse de The Knife, Karin Treyer Anderson, et la chanson bien de circonstance I'm Not Done de son album homonyme. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 18h pour la transmission 025 d'Audiomatic. D'ici là, restez à l'écoute de ces fous, pas parce que les audacieuses suivent dans quelques instants, tout juste après Fever Ray. Bonne semaine.